Donc quand vous allez pêcher autour des îles, les fonds sont complètement différents, non? Il y a les algues aussi, mais ça s'éloigne beaucoup moins. Les 35 mètres sont plus près de la côte là, que sur l'intérieur. Ah oui, d'accord. C'est obligé, c'est les courants. Hein. Et la déclinaison des fonds est beaucoup plus accentuée que l'intérieur de Rada. Parce qu'en fait, pourquoi vous allez vers là-bas plutôt que dans la Rada? Parce que un poisson atterrit plus vite sur une pointe avancée dans la mer que sur un bord qui est fermé. Vous me saisissez? Oui. Un poisson rencontrera d'abord l'île avant de rencontrer l'intérieur de la mer. Parce que le poisson, il vient pas de l'intérieur des terres. Hein. Il vient de l'extérieur de la mer. Mm-hmm. Automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il rejoint. Il rejoint de suite la côte. Hein. Et la première côte, ce sont les îles. Et les pointes les plus dehors sont les plus avantagées. Et pour se reconnaître, chez nous, vous savez comment on dit, les anciens disaient ça. Le gabien du large, il est gras, et le gabien de terre, il est maigre. Vous voyez, par définition, ce que ça donne. Hein, qui s'est plus passionné là-bas que là. D'ailleurs, c'est sur les îles que vous voyez les gabiens, et ici, ils ne font que passer. Hein. Ici, ils ne font que passer. Ça me prend du temps, vous savez, pour préparer le filet. Je vois. Attendez, vous armez les filets vous-même. Croyez-moi que ça va de à se confectionner le plomb, se faire les bagues de plomb, préparer les brèmes, couler le plomb, mettre le plomb en place, attaquer armé. Après, vous faites pareil pour le brème. Donate, où il y a les flottures même fait, hein. C'est quand même plus avantageux. Hein. C'est plus facile. Vous m'appelez le jour où vous coulez des plombs? Ouais. Mais vous êtes toujours là? Pratiquement, oui. Eh bien. Vous faites comme vous avez fait. Vous passez me voir, là. Oui. Et je vous dis. D'accord.